nous sommes à Lille cette semaine dans le cadre du festival Cité Philo qui pour la 23e année rassemble les meilleurs philosophes de France pour discuter autour d'un thème. Cette année le thème c'est dire et faire, c'est-à-dire le pouvoir de la parole. Et pour ces quatre émissions que nous enregistrons ici, nous avons installé nos micros dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille où un public toujours nombreux nous accueille avec un enthousiasme souvent délirant. Merci de montrer que je ne suis pas seule dans cet auditorium. Alors, hier, nous avons parlé du pouvoir de la parole, savoir dans quelle mesure est-ce que parler, c'est agir. Eh bien, aujourd'hui, le thème de l'émission est le suivant. Quand la parole ne suffit pas, les stoïciens au secours de l'écologie. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un truc bizarre? Si. Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La la la la. La la la la la la la. La la la la la la la la la. Quoi? Quoi? Pardon, mais je pense à un truc. Ouais. On va pas mourir dans une minute. Brigitte, tu es fatigante. Pardon. Non, ouais. On est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, ouais. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tire. Ouais. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends? Bonjour Thomas Benatwil. Bonjour, bienvenue à Lille. Merci, mais oui j'allais vous dire bienvenue à cette table, mais c'est vous qui nous accueillez parce que vous enseignez la philosophie à Lille. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Avec joie? Oui, grande joie. Ouais, vous avez bien fait de répondre oui car vous êtes face à un public lillois, bonjour à vous. Et merci d'être là ce matin. Alors, cher Thomas, comment se fait-il que lorsqu'on entend tour à tour Greta Thunberg et Brigitte Fontaine, chacune dans leur registre, nous mettant en alarme, l'une sur bien la crise écologique que nous sommes en train de vivre, l'autre sur une fuite de gaz qui demanderait quand même à agir prestement, eh bien nous ne fassions rien? Alors peut-être les deux cas sont un peu différents, mais en tout cas le premier, c'est un cas qu'on appelle de plus en plus souvent celui d'une sorte de déchirement entre ce qu'on sait qu'on doit faire et ce qu'on ne fait pas. C'est quelque chose qui a été déjà discuté et théorisé dans l'Antiquité sous le nom d'akrasia, c'est que ce qu'on peut traduire par impuissance et qu'on traduit aussi parfois, enfin plutôt qu'on réanalyse parfois dans la philosophie contemporaine en termes de faiblesse de la volonté. C'est-à-dire, c'est le problème de comment expliquer que nous savons ce que nous devons faire, nous avons un certain nombre d'objectifs dont nous pensons qu'ils sont bons, mais nous ne les réalisons pas. Et donc la parole, nos engagements, nos paroles sur le fait que on voudrait se comporter de manière meilleure, ne paraissent vaines. Et on se demande pourquoi, comment ça se fait qu'on ne suit pas ces engagements qu'on prend tout le temps. Cette question de la faiblesse de la volonté, elle est aussi vieille que l'histoire de la philosophie quasiment, et on en trouve une illustration parfaite dans la crise écologique actuelle. Bah, on pourrait dire ça, parce que c'est vrai que traditionnellement, quand on parle de la faiblesse de la volonté à des étudiants pour illustrer des débats philosophiques sur cette question, on prend des exemples un peu triviaux de « j'ai décidé de faire du sport et j'en fais pas » ou « j'ai décidé d'arrêter de fumer et j'en fais pas ». Mais là, on a sous les yeux, depuis plusieurs années, un exemple vraiment, dramatique et où on voit bien le problème, c'est-à-dire que comme le répète Greta Thunberg, il y a des données scientifiques extrêmement claires, objectives, diffusées. Il y a peut-être une époque où elles n'étaient pas diffusées, mais maintenant elles sont largement diffusées, et donc un grand nombre de gens savent que il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire pour préserver l'environnement, pour éviter le réchauffement climatique. Et pourtant, on a l'impression que les comportements changent à peine, peut-être un tout petit peu, mais pas à l'échelle, au degré qu'il faudrait et que l'exigent les connaissances que nous avons. Et donc, du coup, ce problème de l'acrasia prend une sorte d'actualité. On entend les gens de plus en plus utiliser ce vocabulaire. Alors, parfois, on utilise un vocabulaire un peu moins... spécifique, mais tout à l'heure j'écoutais le journal de midi sur France Culture et quelqu'un parlait de schizophrénie. Bon, c'est la même idée là. Je précise qu'au moment où nous enregistrons cette émission, il est 15h. Hein, oui, l'émission est diffusée à 10h du matin, donc on va croire que voilà, vous vivez dans un autre monde. Non, mais là on voit vraiment que... Mais donc, ça veut dire que vous écoutez France Culture, donc je vous félicite. Voilà, exactement. Donc et le terme de schizophrénie... Voilà, c'est a été employé. Donc la schizophrénie, c'est un terme qui relève de la psychologie, etc., qui n'est sans doute pas adéquat, mais c'est quand même la même idée. C'est-à-dire, comment se fait-il que nous disions et nous reconnaissions que nous devons faire certaines choses d'un côté et que ensuite nous ne les faisons pas, alors qu'il n'y a pas de contraintes extérieures, parce que bon, si on est empêché de faire certaines choses de l'extérieur, bon, on a une bonne raison on a une excuse en tout cas de ne pas les faire. C'est... Mais là, pourquoi nous créons-nous des obstacles? Oui, voilà, pourquoi de l'intérieur? Comment expliquer cette sorte d'incohérence qui est fréquemment la nôtre sur des questions triviales, mais aussi sur des questions graves et collectives, en l'occurrence, Voilà, mais c'est peut-être avant de commencer à répondre à cette question, et c'est l'enjeu de cette émission, encore un point quand même sur la différence entre le discours écologique et l'impuissance à agir à échelle individuelle. Quand on dit, quand Brigitte Fontaine dit ça sent le gaz et que Areski lui répond oui, bah bon, t'inquiète pas, en fait ça va aller, finalement c'est à une échelle presque individuelle. Est-ce que c'est la même raison qui fait que nous n'agissons pas pour aller éteindre le gaz ou pour, je sais pas, commencer à faire du sport, et la même raison qui fait que nous n'agissons pas pour sauver la planète? C'est pas forcément le même mécanisme qui est en œuvre ici. Non, c'est pour ça que j'ai dit au début que c'était peut-être pas le même cas, parce que là, dans la chanson, effectivement, très amusante de Brigitte Fontaine, là, il y a une urgence, et donc, oui, mais aussi, non, il y a une urgence au sens, une urgence, comment dire, immédiate, c'est-à-dire que là, c'est une question de, je sais pas, de secondes ou de minutes, et donc, en principe, si la chanson était réaliste, il aurait même pas le temps d'expliquer ce qui va se passer, que ça se passerait déjà. Alors que là, effectivement, dans le cas de la planète, il y a une urgence, mais c'est une expression. Il y a une urgence à une échelle beaucoup plus large, c'est-à-dire les gens peuvent penser que en tout cas pour leur vie personnelle, bon, quand s'ils sont pas trop jeunes, Greta Thunberg justement, elle fait jouer l'aspect générationnel, parce que elle et les gens de sa génération, ils verront les conséquences directement. Nous, on commence à les voir. Vous n'êtes pas si vieux quand même. Vous serez encore vivant quand elle aura votre âge. Mais voilà. Donc là, il y a une différence entre les deux exemples, qui est justement celle du degré d'urgence. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que un des facteurs d'explication qu'on donne à ce genre d'incohérence, de faiblesse de la volonté, c'est que nous ne serions pas sensibles à ce qui n'est pas juste sous notre nez, c'est-à-dire à ce qui ne nous ce qui ne suscite pas directement nos émotions, nos passions, parce que c'est lointain, parce que c'est des données scientifiques, mais on le voit pas concrètement, on le subit pas concrètement. Et donc là, on commence à esquisser une explication, on pourrait dire usuelle de l'acrasia ou de l'impuissance, qui est que il y aurait une sorte de divorce en nous entre les raisons, les connaissances que nous avons objectives sur l'avenir, des choses assez complexes d'un côté, et de l'autre, nos désirs, nos émotions, nos craintes, qui là sont en prise directe avec la situation présente et ne réagissent pas à des considérations, disons, à long terme, etc. Alors avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que les stoïciens vont apporter une réponse à la question qu'on se pose aujourd'hui ? Ils peuvent apporter un modèle d'explication du phénomène, mais ils apporteront pas une réponse à la question « qu'est-ce qu'on doit faire ?» Bon, restez quand même avec nous. Première étape, alors pour mieux comprendre la démarche de pensée des stoïciens, on va d'abord écouter un texte de Platon. Il s'agit du Protagoras, qui répond à une question très simple. Enfin, c'est Socrate qui s'adresse à Protagoras. Il demande comment peut-on juger qu'une chose est la meilleure à faire et pourtant ne pas la faire. Allez, Protagoras, découvre-moi ta pensée sur ce point. Quelle est ta position à l'égard de la science ? Es-tu du même avis que la plupart des hommes ou non ? L'avis de la plupart, c'est à peu près qu'il y a en elle quelque chose qui n'est du ressort ni de la force, ni de la direction, ni du commandement. Ils pensent qu'il n'y a dans la science rien qui soit de cet ordre, mais que souvent, chez l'homme où elle réside, ce n'est pas elle qui commande en lui, mais tout autre chose. Tantôt la fougue, tantôt le plaisir, tantôt la peine, quelquefois l'amour, souvent la crainte. Ce qui fait que nous nous représentons la science tout bonnement comme un esclave tiraillé de tous les côtés. Partages-tu cet avis sur la science ? Ou est-ce que la science te paraît belle et capable de commander à l'homme ? Si quelqu'un connaît ce qui est bon et ce qui est mauvais, est-ce que rien ne peut le dominer et lui faire faire des choses différentes de celles que la science lui prescrit ? Est-ce que l'intelligence peut constituer un secours suffisant pour l'homme ? C'est Éric Herson-Macarel qui prête cette semaine sa voix au texte que vous entendez. Alors s'il ne suffit pas de savoir pour bien agir, c'est peut-être, comme le dit Socrate dans ce texte, parce que la science, donc l'objet de notre savoir, n'est qu'un esclave tiraillé de tous les côtés. Que signifie cette image, Thomas Benatouil ? Alors là, oui, on voit bien le... Donc Socrate, il est pas d'accord avec ce qu'il présente là, mais il présente l'image, disons, usuelle du rôle de la connaissance ou de la manière dont la connaissance agit sur nous, à savoir qu'elle agit pas tellement, en fait. Donc c'est le texte classique qui pose le problème de l'akrasia et auquel... tous les philosophes qui ont réfléchi ensuite se réfèrent. Donc effectivement, là, Socrate nous montre bien ce modèle qu'on pourrait appeler un peu dualiste, où d'un côté, on a la science, un certain nombre de connaissances ou notre raison. Bon, on peut présenter ça de manière différente. Et de l'autre, on a, comme il dit, la fougue, le plaisir, la peine, l'amour, la crainte, c'est-à-dire les émotions, les désirs. Et il y a une indépendance entre les deux. Et donc, on a beau savoir quelque chose, et savoir que c'est bien, en fait, ce qui est important pour agir, ce qui détermine vraiment notre action, c'est l'autre aspect. Alors, certains philosophes diront la partie irrationnelle de l'âme ou la partie désirante. Ou bon, là, il y a différentes analyses jusqu'à, je sais pas, la psychanalyse ou quoi. Mmh. On peut trouver différentes versions de ce modèle dualiste. Et dans avec ce modèle dualiste, effectivement, comme le dit Socrate, qui va dans la suite du texte essayer de réfuter cette position, eh bien, la science, elle est ballottée en fait par nos désirs. Soit on a de la chance, ou on a été en quelque sorte bien éduqué à l'avance, indépendamment de la connaissance, et nos désirs vont dans le sens de la science. Mais c'est pas parce que la science pèse sur eux, c'est pas parce qu'elle les domine, c'est parce que en fait les désirs eux-mêmes ont été canalisés dans la bonne direction. On a été domestiqué en quelque sorte de la bonne manière. Et dans ce cas-là, c'est bon, on agit en fonction de la science, mais c'est une sorte de coïncidence, en fait, entre ce qu'on sait être meilleur et la manière dont nos désirs ont été correctement aiguillés. Soit, cet aiguillage, cette coïncidence n'existe pas, et bien dans ce cas-là, on se moque de la science parce que nos désirs nous emportent ailleurs. Encore une fois, je dis désir pour aller vite, mais ça peut être des émotions, des craintes, comme le dit Socrate. Mmh. Et du coup, ils nous emportent ailleurs, et en fait, la science, c'est quelque chose qui est juste là, une sorte de roi impuissant qui trône, mais que personne n'écoute. Et on agit autrement qu'on sait devoir agir. Et ça, c'est le modèle, disons, bon, qu'on peut appeler dualiste, pour aller vite, et qui a une sorte de représentation spontanée sans doute de la manière dont nous fonctionnons, le fait qu'on est on est divisé en nous, hein, on a des parties différentes en nous qui sont pas d'accord, hein, un peu comme le modèle avec le petit ange et le petit démon, comme s'ils étaient à l'intérieur de nous et qu'ils se disputaient. Voilà. Alors après, ce modèle-là, il peut être élaboré par des philosophes, par exemple, chez Platon, chez Aristote, on a une élaboration de ce modèle qui ne considère pas la science comme impuissante, mais qui malgré tout admet que dans l'âme, il y a une partie qui est irrationnelle et qui est une source de motivation indépendante de la connaissance. Alors comment règle-t-il ce problème justement, Socrate ou Aristote? Et là on parle de Socrate en particulier, de cette connaissance qui parfois serait impuissante, parce que Socrate tient une position qu'on pourrait qualifier d'optimiste aujourd'hui. Nul n'est méchant volontairement, nul n'est méchant de son plein gré, ça veut dire si je sais ce qu'il faut faire et que je ne le fais pas, ce n'est pas de ma faute. En fait c'est un déficit de connaissance, ce qui ne tiendrait plus aujourd'hui après le christianisme, la Seconde Guerre mondiale. Alors, Socrate, et autre prise de conscience de notre faiblesse. Socrate, dans la suite de ce passage, dit que c'est une erreur de penser que la science est impuissante, et sa solution à lui, même s'il ne donne pas beaucoup de détails dans le Protagoras, c'est que si en fait on n'agit pas en fonction de ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire on prétend qu'on sait, c'est des paroles. Hein. On dit je sais qu'il faut faire ceci, je sais qu'il faut manger moins de viande ou voilà, mais en fait je ne le sais pas vraiment, c'est juste que tiens un discours superficiel, je n'en suis pas vraiment convaincu et je ne le sais pas vraiment, parce que Socrate lui il tient à considérer que la science la science commande, et donc si on a la science alors on doit agir en fonction d'elle. Et donc, conséquemment, si on n'agit pas en fonction de la science, c'est donc en fait on ne l'a pas vraiment. C'est-à-dire qu'on prétend savoir, mais on ne sait pas vraiment. Voilà. Alors, chez Platon et Aristote, Platon en particulier dans La République, on a une position qui est un peu plus complexe, parce que quand même, justement, Platon et Aristote pensent que la position de Socrate, telle que je viens de l'expliquer, ne rend pas compte de ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de l'akrasia. Il y a quand même des faiblesses de la volonté. Il y a quand même des cas où on a vraiment l'impression que les gens savent qu'ils doivent faire quelque chose, qu'il ne leur manque pas de connaissances, que c'est pas seulement un discours. Hein. Et d'ailleurs, quand les gens disent qu'ils doivent le faire, ils sont sincères. C'est pas seulement pour, je sais pas, plaire à leur interlocuteur ou quoi. Et pourtant, ils ne le font pas. Et donc, ce cas psychologique fréquent qu'on observe tout le temps autour de nous et sans doute aussi souvent en nous, conduit Platon à Aristote, donc à un dualisme plus élaboré que sorte de dualisme intuitif là dont parle Socrate ici, et qui consiste à considérer qu'il y a plusieurs parties dans l'âme ou dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une partie irrationnelle. Alors, deux, trois, bon, là, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais dans La République, il y a trois parties. Mais l'important, il n'y a pas que la raison. Il y a une autre partie qui peut, dans une certaine mesure, être soumise à la raison, mais qui a ses propres motivations, qui sont, par exemple, liées au corps, qui sont liées à la situation présente. Voilà. Et donc, du coup, cette double source de motivation, ce que j'ai appelé le modèle dualiste, permet de rendre compte l'impuissance, de la faiblesse de la volonté, hein, puisque et aussi, mais de sauver quand même l'idée que la science commande, parce que selon Platon comme selon Aristote, si on a vraiment si on acquiert la vertu correctement, si on a les bonnes habitudes, à ce moment-là, la science va pouvoir s'imposer. Hein. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, la partie désirante de l'âme aura été aiguillée, aura été orientée d'une manière telle qu'elle ne résistera pas à la connaissance que nous avons de ce qu'il faut faire. Je précise que cette faiblesse de la volonté s'applique aussi, peut-être est-ce encore plus parlant, dans le domaine moral. Et là, si on avance dans les siècles, je parlais de l'arrivée du christianisme qui changeait quand même la perspective par rapport à cet optimisme intellectuel. Saint Augustin qui dit « Je vois le bien, on me nomme le bien et je fais le mal ». Impuissance de la volonté, cette fois-ci, à agir moralement. Alors, Thomas Benhatoui, les stoïciens dans tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les stoïciens, ils sont socratiques, et ils pensent qu'ils sont plus socratiques que Platon, ou les vrais socratiques. Hein. Il y a une sorte de débat sur qui est le vrai héritier de Socrate, en quelque sorte. Et donc, les stoïciens pensent que Socrate, dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, il a raison. Donc, et les stoïciens, pardon, c'est large, ouais. Parce qu'il y a les stoïciens de qui parle-t-on, là? Alors là, on parle de tous les stoïciens, mais on peut parler en particulier, par exemple, de Chrysippe, qui était le troisième chef de l'école stoïcienne, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais on peut aussi parler de Sénèque, d'Épictète, qui ont vécu au premier siècle après Jésus-Christ. Donc, ils sont après Platon, après Aristote. Hein, ils n'ont jamais été en contact direct avec Socrate, et sans doute qu'ils connaissaient la pensée de Socrate à travers les œuvres des élèves de Socrate, de Xénophon, de Platon. Mais ils pensent qu'ils sont les vrais socratiques. Et donc, ils pensent que l'idée qu'il y a plusieurs parties dans l'âme, c'est une erreur. Il n'y a qu'une seule partie dans l'âme, la partie directrice de l'âme, et c'est la raison. Et donc, ça veut dire que les passions, ce que on attribue habituellement à la partie irrationnelle, les désirs, les émotions, les craintes, etc., elles viennent de la même partie. Donc, les passions elles-mêmes ne sont pas causées par une source, une sorte de force, une sorte d'instinct, une sorte de besoin qui serait indépendant, hétérogène par rapport à nos jugements, nos opinions, nos motivations qui viennent de la raison. C'est la même source. Donc nos passions auraient une origine rationnelle. Oui. Donc c'est la raison, en fait, qui on a cette expression un peu étrange, qui est la raison pervertie. C'est-à-dire quand la raison n'est pas droite, donc du coup la raison peut être dans différents états, hein, forcément, puisque quand la raison n'est pas droite, quand elle est pervertie, hein, elle produit les passions. Voilà. Et donc ça c'est le modèle stoïcien, et donc c'est un modèle moniste. Alors bien sûr, moniste, ça se pose à dualiste. Voilà, qui au sens justement la raison, voilà. Et les passions. Moniste, c'est que c'est une seule et même entité. C'est ça, au sens où on n'invoque pas, on ne divise pas l'âme en une partie rationnelle et une partie rationnelle, pardon, pour expliquer nos comportements. Donc c'est l'homme stoïcien est un homme rationnel. Alors, dire ainsi. Il y a une ambiguïté sur rationnel, comme j'ai dit tout à l'heure, comme il y a une raison pervertie et une raison droite, il y a une ambiguïté sur rationnel. Pour les stoïciens, l'homme. C'est toujours la raison qui fait agir l'homme. Maintenant, effectivement, ça veut dire que toutes nos conduites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, viennent de la raison. Alors, faut définir ce qu'est la raison. Parce que là, je comprends, oui. Par exemple, faire l'amour n'a rien de rationnel. Le désir pour quelqu'un, c'est la raison qui désire encore. Pour les stoïciens, oui. Hein. Alors, mais évidemment, il y a une conception de la raison. Donc, définition de la raison. Il y a une conception de la raison qui est différente de. Justement, ça veut dire que la raison n'est plus seulement l'instance qui, en quelque sorte, nous donne des bons conseils. La raison, c'est pas le petit ange qui est sur notre épaule droite, hein. Puisque comme elle explique toutes nos volitions, toutes nos motivations, etc., hein, ça veut dire que la raison, en fait, c'est la faculté, on pourrait dire, qui justifie. Qui nous présente les actions qui doivent être faites en fonction de nos croyances, en fonction de nos jugements. Et quand on fait des actions qui relèvent du désir, hein, c'est pas parce que on a une autre source de motivation à côté de la raison, c'est parce que notre raison nous présente ça comme la chose qu'il faut faire ou la chose qu'on a envie de faire, la chose qui est la mieuse à faire dans le contexte, etc. Ce qui une certaine vision du désir qui est effectivement très bien canalisée. On va écouter un autre texte, un texte de Plutarque. Est-ce que vous voulez nous le présenter avant, oui, qu'on écoute le texte? Le problème, alors, cette conception moniste de l'âme, effectivement, a suscité beaucoup d'objections dans l'Antiquité, dès l'Antiquité, en particulier de gens qui défendaient les positions de Platon et d'Aristote. Et effectivement, les objections classiques, on en a déjà entendu une dans votre scepticisme à l'instant, c'est-à-dire, comment le désir ou toute cette espèce de vie affective intense qui est la nôtre pourrait relever de la raison de la même manière que nos raisonnements quand on se demande si vaut mieux faire ça ou ça de manière tout à fait, quand on délibère de manière posée, comment ça pourrait être la même origine que les passions. Donc là, il y a des tas de discussions des stoïciens entre eux et avec leurs adversaires pour dire si, on peut tout expliquer à partir d'une seule source, mais l'objection la plus fondamentale à cette position, on y revient, c'est l'acrasia, le déchirement, la faiblesse de la volonté. Parce que s'il y a une seule source de motivation dans chacun de nous, comment est-ce qu'on pourrait être déchiré, hein? Comment est-ce qu'on pourrait, d'un côté, dire « oui, je sais que je dois faire ça », et de l'autre, faire autre chose, hein? Puisque, d'après le modèle stoïcien, l'adhésion à une certaine conduite et le fait de ne pas le faire viennent de la même source. Et donc, c'est ça que le texte de Plutarque, qui fait cette objection, puisque Plutarque est un platonicien, il a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, et il y a d'autres platoniciens, par exemple, comme le Galien, le médecin de Marc Aurèle, qui a vécu un peu plus tard au 2e siècle après Jésus-Christ. Ils discutent beaucoup la théorie stoïcienne en disant « non, mais c'est pas possible, hein, on peut pas expliquer en particulier ce phénomène de l'acrasia ». Alors, ce qui est intéressant, on a perdu les œuvres de tous ces stoïciens, en tout cas des premiers, hein, mais grâce à leurs adversaires Plutarque ou Galien, on a des petits fragments des réponses qu'ils pouvaient donner. Et donc, dans le texte qu'on va entendre, justement, Plutarque, en fait, nous donne la réponse que les stoïciens essayaient de donner à l'objection qu'il a faite. Donc, lorsqu'il dit « certains disent que », certains, ce sont les stoïciens. Exactement. Certains disent que la passion n'est pas autre que la raison, et qu'il n'y a pas de différence et de discorde entre elles deux, mais qu'une raison unique se retourne de chacun des deux côtés. Cela nous échappe à cause de la soudaineté et de la rapidité de la transformation. Nous ne voyons pas que c'est dans la même partie de l'âme que naissent naturellement le désir et le regret, la colère et la crainte, ni que cette partie est entraînée par le plaisir vers ce qui est honteux et qu'elle reprend possession d'elle-même après avoir été entraînée. Le désir et le regret, en effet, ainsi que la crainte et toutes les choses de ce genre, sont des opinions et des jugements mauvais qui ne se produisent pas dans une partie spécifique de l'âme, mais sont des inclinations et des abandons, des assentiments et des impulsions de la partie directrice tout entière, et en un mot, des activités changeant en un rien de temps, à la manière des accès d'impétuosité et de violence des enfants qui sont instables et incertains du fait de leur faiblesse. Les chemins de la philosophie qui sont à Lille cette semaine dans le cadre du festival Cité Philo, dans le grand auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, en public et en compagnie aujourd'hui de Thomas Benatouil. On parle des stoïciens qui viennent au secours de l'écologie. Enfin, grand détour, on a commencé avec l'écologie, on va y revenir, rassurez-vous. Mais pour bien comprendre justement les éléments de réflexion qu'ils peuvent nous apporter, il faut déjà faire connaissance avec les stoïciens, voir ce qu'ils nous disent, et essayer de comprendre ce texte de Plutarque. Il y a une chose qu'on peut noter dès à présent, c'est que je vous demandais comment est-ce qu'on définit la raison. Mais là, il y a quand même un lexique qui est une forme de, un lexique presque d'intensité. Comme s'il y avait une sorte de, le vice serait une forme de relâchement quand la vertu serait une tension maximale. C'est une bonne manière de le comprendre, ça, oui, non? Oui, alors, c'est vrai que, il y a cet aspect-là, la vertu, et donc la raison droite, elle va se caractériser par la cohérence. Et donc par cette espèce de tension, de consistance, hein, pour les stoïciens, au fond, la cohérence donne une force, hein, puisque ce qui est cohérent ne peut pas être divisé, justement, et y a une sorte de solidité, hein, qui est à la fois logique et physique, d'une certaine manière. Alors que, justement, pour le stoïcien, le déchirement, l'incohérence, c'est pas un état intermédiaire entre la vertu et le vice. En fait, c'est ce qui est caractéristique du vice. Donc là, avant de rentrer peut-être dans l'explication détaillée de la faiblesse de la volonté par les stoïciens, on voit bien là le retournement par rapport à Aristote, par exemple. Chez Aristote, l'acrasia, la faiblesse de la volonté, c'est un état intermédiaire. Il dit l'homme acratique, l'homme qui sait ce qu'il doit faire mais qu'il ne le fait pas, il est meilleur que le vicieux, parce qu'au moins il sait quand même ce qu'il doit faire. Mais en même temps, il est moins bon que le vertueux parce qu'il ne le fait pas. Bon. Chez les stoïciens, on a un retournement. Parce que en fait... l'incohérence est quasiment identifiée au vice. Hein, tout vice est une incohérence et la vertu, c'est la cohérence. Hein, et donc le fait d'être incohérent Alors celui qui est qui dit je sais ce qu'il faut faire mais je le fais pas, il est peut-être comment dire, il est peut-être sur le il peut être en progrès vers la vertu, parce que c'est évident que quand on progresse vers la vertu, il y a un moment où on commence à voir ce qu'il faut faire mais on n'y arrive pas, hein. Mais il est pas fondamentalement différent du vicieux, hein, parce que pour les stoïciens, encore une fois, le problème principal de la raison pervertie, du vice, c'est l'incohérence. Voilà. Mais ils ont une perspective beaucoup plus morale, surtout, si je vous suis bien. Oui, on peut dire ça aussi, oui, oui. Il est plus grave de ne pas faire que de ne pas savoir. Est-ce qu'il est plus grave de ne pas faire que de ne pas savoir? Vous disiez pour Aristote, au moins le fait de savoir, mais de ne pas faire, au moins cette personne sait. Alors que les stoïciens disent, non, en fait, si elle fait... Oui, mais alors c'est parce que pour eux, en fait... Il n'y a pas de différence entre le savoir et le faire. Et là, c'est ce qu'on voit bien dans le texte de Plutarque. C'est-à-dire que pour eux, donc comme l'explique Plutarque, les regrets, les craintes, les désirs sont des opinions et des jugements mauvais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quand on agit mal ou quand on a des désirs mauvais, du point de vue des stoïciens, on ne peut pas dire « Ah, mais ce sont des désirs, mais de l'autre côté, je sais ce que je dois faire. » Et là, on retrouve la position socratique. C'est-à-dire, en fait, si vous désirez effectivement, et si vous désirez au sens où vous agissez effectivement en fonction de ce désir, c'est que vous croyez que c'est bien de le faire. Et donc, là, il y a un intellectualisme. Hein, c'est un terme qu'on emploie à propos de Socrate, mais qui est encore plus vrai à propos de les stoïciens. C'est-à-dire que toutes nos impulsions, toutes nos motivations résultent de jugements. Alors, c'est pas forcément des jugements conscients, explicites. Il n'y a pas forcément besoin de se dire explicitement « je pense qu'il est mieux de ruiner la planète pour faire telle ou telle action qui a cette conséquence hein. ». Mais selon les stoïciens, il y a un jugement implicite quelque part, inconscient, hein, qui explique qu'on agisse de cette manière-là. On ne peut pas, en fait, on ne peut pas agir. C'est ça, une autre manière de formuler la thèse de « il n'y a que la raison en nous ». C'est-à-dire, on ne peut pas agir, en fait, sans avoir adhéré l'opinion que ce qu'on allait faire était bien. Voilà. Et le problème, habituellement, c'est pas qu'on sait qu'une chose est bonne et qu'on ne la fait pas. Le problème, c'est qu'en fait, on a différentes opinions sur le bien et qu'elles sont pas cohérentes. Et donc, on fait des choses contradictoires parce que l'ensemble de nos opinions sur la manière dont on doit agir n'ont pas été examinées. Et donc sont en fait incohérentes. Alors y a-t-il un moment où, alors j'allais dire une partie, mais alors puisqu'il n'y a pas de différentes parties de l'âme comme chez Platon, mais une manière qu'a cette raison d'aller dans une direction va être plus forte qu'une autre. Est-ce qu'il y a un moment où il y aura quand même quelque chose qui domine et qui va trancher en toutes ces opinions ? Oui, effectivement, puisque ce qu'on va faire effectivement, hein, c'est ce qui va dominer. Hein. Et donc dans le texte de Plutarque, il explique le fait qu'on puisse avoir l'impression d'être déchiré, d'être divisé, par le fait que la raison oscille très rapidement. Hein. Donc en fait, on croit qu'il y a en nous différentes instances. Hein. On dit ah mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est pas vraiment moi, ou en tout cas je sais que je devrais pas le faire, mais en moi il y a quelque chose qui me pousse à le faire. Mais en réalité c'est toujours nous, hein. Et ça c'est intéressant parce que vous disiez tout à l'heure effectivement c'est une position très morale, mais sans doute que derrière cette analyse stoïcienne il y a effectivement une position éthique qui consiste à soupçonner la position dualiste d'être un peu déresponsabilisante, parce que si effectivement il y a en nous une sorte d'animal sauvage qui est très difficile à tenir, à domestiquer, d'une certaine manière on peut se déresponsabiliser de certaines de nos actions, dire bah oui mais j'avais pris les bonnes résolutions mais c'est pas vraiment moi, enfin c'était plus vraiment moi quand je l'ai pas fait, hein. Alors que effectivement dans l'analyse stoïcienne cette voie de cet échappatoire est complètement coupée puisque c'est toujours nous, puisque de toute façon il n'y a qu'une seule partie directrice de l'âme, on en est entièrement responsable. Mais donc c'est une culpabilité permanente. On pourrait dire ça effectivement dans le stoïcisme on est responsable. On n'est jamais à la hauteur de ce qu'on exige de soi. Si, on peut l'être. Le sage, il va être à la hauteur. Ah si, oui. Si, oui. Non, la question, c'est que ça veut dire que le progrès moral est indissociablement un progrès intellectuel. Parce que comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation d'incohérence, de cette... Il faut qu'on analyse toutes nos opinions, tous nos jugements, et qu'on les aligne en quelque sorte. C'est-à-dire que on élimine. Hein, c'est très socratique. Hein. On élimine. C'est comme dans les dialogues socratiques de Platon. Hein. Pour les stoïciens, la vie est un dialogue socratique, c'est-à-dire que on doit examiner toutes nos opinions et se débarrasser de celles qui ne sont pas cohérentes avec, et supprimer les incohérences. Et quand on aura supprimé toutes les incohérences, on boira la ciguë. Eh ben non, on boira pas la ciguë, mais on boira la ciguë si c'est ce qu'on doit faire. Mais et dans ce cas-là, on la boira sans aucune arrière-pensée. Effectivement, ce que fait Socrate. Le modèle de Socrate est souvent cité parce que justement, effectivement, il a pas de regrets, il est entièrement dans ce qu'il fait parce qu'il a éliminé toutes les incohérences et donc il a une ligne d'action qui est celle de la raison droite. Prochaine étape que nous allons franchir ensemble, Thomas Benato, il y a un exemple, en fait deux exemples, un ancré dans votre quotidien qui va vous parler à tous, la question des bonnes résolutions, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se tenir à de bonnes résolutions, ce qui est une manière un peu légère de faire une transition vers l'exemple dont nous allons vraiment discuter, qui est celui de Médée qui... Alors, elle fait l'objet de pièces de théâtre, on la retrouve notamment dans les Métamorphoses d'Ovide, Médée qui est tiraillée, justement, entre deux instincts, j'allais dire, mais le terme n'est pas stoïcien, alors vous retraduirez ensuite, hein, mais en tout cas, elle est portée à égale distance, à égale intensité, vers deux choses différentes, son désir de vengeance, et ce qui va la conduire, une sorte de pulsion qui va la conduire à vouloir tuer ses enfants. Et à l'origine de ça se trouve un désir, un amour très fort qu'elle ressent pour Jason. Donc d'abord, micro-trottoir de 1991, ça va vous plonger dans une époque lointaine, et ensuite on ira encore plus loin dans les Métamorphoses d'Ovide, avec la lecture du livre 7, Médée, Jason et la toison d'or. Les chemins de la philosophie. France Culture, Adèle Van Rett. Les lampions de la fête sont éteints. Aujourd'hui, 91, comme les rares promeneurs, fait ses premiers pas. Alors, bonne année à tous. Mais, au fait, sont-ils nombreux à prendre de bonnes résolutions? Je ne bois pas, je ne fume pas. Alors qu'est-ce que je peux faire de mieux? Non, j'ai pris plein de mauvaises résolutions. Vous savez, les résolutions, non. Seul le présent compte, hier c'est le passé, demain on verra. Bah, d'être gentil avec tout le monde, par exemple. Ben, moi, je peux pas vous dire, je suis Capricorne. C'est le premier jour, alors j'ai encore le temps. Moi, je fais la résolution d'être heureuse cette année. Ceci, ça allait sans dire. Aucune. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de défaut. Si, c'est ce qui veut dire que je vais pas les tenir, les résolutions, alors. Pas besoin d'en faire. Je trouve que c'est bien comme ça. Non, mais je regardais le clochard, là, je me demandais s'il avait passé la nuit, là. Ben, pourquoi vous allez pas l'interviewer? Je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à vous dire, lui. Hein? Allez, bonne année. Tu résistes enfin, Médée. Je ne sais quel dieu t'empêche. Étonnant, non? Ça ressemble à ça, ce qu'on appelle l'amour. Pourquoi les ordres de mon père me paraissent trop durs? Parce qu'ils sont trop durs. Pourquoi, à peine je le vois, j'ai peur qu'il ne meure? Pourquoi une si grande peur? Secoue les flammes nées dans ton cœur de fille, si tu le peux, malheureuse. Si je pouvais, je guérirais. Une force nouvelle, le désir, me pousse à faire quelque chose, mon esprit me conseille autre chose. Je vois le mieux, je suis d'accord, je fais le pire. Pourquoi, fille de roi, pour un étranger, te consumes-tu? Pourquoi rêves-tu tes noces dans un autre pays du monde? Ta terre peut te donner ce que tu aimes. Qu'ils vivent ou meurent, au Dieu de voir. Qu'ils vivent. Je peux bien les en prier, même sans amour. Qu'a-t-il fait, Jason? L'âge de Jason ne peut pas vous toucher. Il faut être cruel. Et sa naissance, et son courage. Et qui, même s'il n'y avait pas ça, ne peut s'émouvoir de son visage? Moi, il émeut mon cœur. La monte de Jason, rive de Colchos, avait forcé l'enfer à prendre sa défense. L'amour et la reconnaissance devaient dans ses liens de pire ce héros. Et que donne de proque nouvelle Médée de son voyage et couper les plus beaux soleils. Dieu, à quel mot m'avez-vous condamné? Si je perds Jason pour jamais. m'aider à travers la voix d'Agnès Mellon dans cet air de la cantatrice et aussi à travers celle d'Éric Herson-Macarel, la voix masculine qui vient interpréter le monologue que Médée, enfin le monologue de Médée et donc la voix qu'elle s'adresse à elle-même. En fait, Thomas Benhatou, il en est ici en pleine distorsion de l'âme. Je vois le mieux, je suis d'accord, je fais le pire. Elle reprend les termes qu'on a énoncés juste avant. Alors, ce passage d'Ovide est effectivement la formulation vraiment classique de la faiblesse de la volonté. Il est cité par Leibniz, par Spinoza. Bon, c'est le grand exemple. Et alors, pour nos stoïciens, dont certains sont antérieurs à Ovide et aussi pour Platon et Aristote, Médée était aussi un exemple, mais c'était pas exactement la même Médée, c'était le personnage de la tragédie d'Euripide se trouve aussi dans cette situation de déchirement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Médée d'Euripide, l'épisode qui est au centre de la pièce de la tragédie, ce n'est pas le même que dans le poème d'Ovide, puisque dans le cas de la Médée d'Euripide, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le moment où elle est répudiée par Jason. Jason l'abandonne, hein, il a eu et donc elle est tellement en colère qu'elle veut se venger de Jason et elle songe à tuer leurs enfants. Et elle finit par le faire, emportée par la colère, le désir de vengeance, elle tue ses propres enfants pour se venger de Jason qu'il a abandonné. Dans le cas de Ovide, on a un exemple peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, classique, hein, puisque là, c'est Médée, quand elle rencontre Jason, qui a débarqué en Colchide, si je me souviens bien, pour dérober la toison d'or. Et elle est séduite par Jason, et donc elle est tiraillée entre son rôle de fille du roi, qui doit obéir à son père et et son amour pour Jason, qui l'incline à l'aider à voler la toison d'or et à partir avec lui. Donc dans le cas d'Ovide, on a le dialogue entre l'amour d'un côté et le devoir de princesse, de fille, et dans le cas de Euripide, on a le déchirement entre la colère, le désir de vengeance et la préservation des enfants. Et donc ces exemples, on l'a déjà dit, sont interprétés en particulier par les philosophes qui pensent que dualistes, hein, comme des preuves. Ils disent on ne peut interpréter ça que de manière dualiste. C'est forcément, pour qu'un déchirement pareil soit possible, hein, il faut forcément que d'un côté il y ait une partie irrationnelle qui produit l'amour, qui produit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui produit la colère et qui emporte tout sur son passage. Elle ne peut agir que par folie, voilà, par raison. Tuer ses enfants n'est pas un acte irrationnel. Et qui emporte tout sur son passage. Et de l'autre, il y a la raison qui essaye de contenir le flot, hein, du désir ou de la colère, en disant mais non, il faut pas le faire, il faut et qui est emporté, hein. Et d'ailleurs elle le dit, hein, mon esprit me conseille quelque chose mais je suis emporté, etc. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que Galien nous dit que Chrysippe citait sans cesse la Médée d'Euripide. Et pour Galien, c'est une preuve de l'absurdité, l'incohérence complète de Chrysippe. C'est-à-dire, c'est un aveu de la part de Chrysippe qu'il est complètement incohérent lui-même, parce que pour Galien, on ne peut pas expliquer ce qui se passe dans le cas de Médée autrement que de manière dualiste. Et donc, Galien dit, Chrysippe se réfute lui-même en citant Amédée d'Euripide. Bon. Mais en même temps, si on essaye de mieux comprendre, bon, Chrysippe, c'était sans doute pas un idiot, et il est considéré comme le plus grand logicien de l'Antiquité, sans doute à égalité avec Aristote, et s'il y avait une incohérence, on peut penser qu'il l'aurait vu. Et donc, sans doute que pour lui, en fait, le cas de Médée, donc la Médée d'Euripide, pouvait être expliqué du point de vue de la psychologie stoïcienne et même donner des arguments en faveur de la psychologie stoïcienne. Et je pense que, pour donner une hypothèse sur la manière dont on peut comprendre ça, c'est que, en fait, quand on lit les discours de Médée qui se parle à elle-même, que ce soit chez Ovide ou que ce soit chez Euripide, on voit qu'elle argumente avec elle-même, c'est-à-dire que sa colère, son désir de tuer ses enfants ne l'emporte pas du tout. Il discute avec... en l'occurrence, alors prenons l'exemple de... Enfin si, il l'emporte parce qu'elle finit par les tuer. Non, ce que je veux dire, pardon, vous avez raison, je veux dire que ce n'est pas un élan irrationnel. Ce n'est pas quelque chose qui... Ce qui est encore pire, enfin pardonnez-moi, c'est qu'on a l'impression que du coup la cohérence est plus importante que les actes. En quel sens ? Parce que finalement, que l'acte de tuer ses enfants ne soit pas un acte irrationnel, mais le résultat peut-être d'une concertation avec elle-même, Alors peut-être que je l'ai mal interprété, mais est-ce que ça veut dire que on peut expliquer l'acte, donc quelque part d'un point de vue stoïcien, c'est plus acceptable qu'un acte irrationnel? Ah non, c'est pas plus acceptable. C'est pour les stoïciens, c'est complètement irrationnel. Mais ce que les stoïciens disent, c'est ce n'est pas un élan aveugle. Ce n'est pas... Qu'est-ce que ça change? Elle est responsable, c'est ça, peut-être que ça change. Elle est responsable, et d'autre part, il y a des croyances et des jugements qui sont à la base de ce qu'elle fait. Prenons un exemple, dans le cas de tuer ses enfants, elle croit qu'elle doit se venger. Elle croit que le fait d'être abandonnée par Jason est un mal. Elle croit qu'il faut se venger d'un tel mal. Et donc là, il y a des croyances profondes qui sont en partie, par exemple, causées par certaines normes sociales qui peuvent être liées alors à différents rôles sociaux, etc. Et c'est parce que elle a ces croyances-là. Si elle n'avait pas ces croyances-là, hein, comme dit souvent Épictète, elle n'aurait pas ce déchirement. Et donc, au fond de son déchirement, il y a ce type de croyance qui se manifeste dans son débat avec elle-même. C'est-à-dire, elle dit « je dois me venger ». Elle ne dit pas, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais « c'est pas un emportement ». C'est-à-dire, c'est pas quelque chose d'aveugle. Elle dit « je dois me venger ». Il y a une norme et elle a l'impression que si elle ne se venge pas, elle fait quelque chose de mal. Donc on peut faire la généalogie de ses actions et donc ne pas les imputer à un coup de folie. Voilà, il faut qu'on retombe sur nos pieds. Thomas Benhatoul, il nous reste 4 minutes. Effectivement. Pour retomber sur nos pieds, voici, non pas m'aider, mais Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux, là ? Oui, je suis sérieux. Je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant de rentrer dans ce studio. Bien au contraire. C'est la décision la plus douloureuse, que personne n'en tire profit. Parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Et j'espère que cette décision qui est lourde, qui me bouleverse, qui est mûrie depuis de longs mois, ne profitera pas à des joutes ou à des récupérations politiciennes, mais à ce que notre société se retrouve sur l'essentiel. Lorsque Nicolas Hulot annonce sa démission sous les yeux ébahis de Léa Salamé et Nicolas Demorand sur France Inter le 28 août 2018, est-ce là, Thomas Benhatoul, un aveu de son impuissance face à la crise écologique, alors même qu'il avait accepté d'endosser la responsabilité de ministre de l'écologie et donc de tout faire pour mettre les chances de son côté pour pouvoir agir? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, même Greta Thunberg ne pourra rien changer car nous ne pouvons rien faire? Non, ça ne veut pas dire ça, parce que la question, c'est comment expliquer qu'on fasse si peu alors qu'apparemment, on sait ce qu'on doit faire. Hein, c'est ça qu'on a dit au départ. Alors, encore une fois, une explication qui paraît simple, c'est qu'en fait, on est divisé. Alors, au niveau individuel, on a des désirs, on a envie de profiter de la vie, on a envie de pas se préoccuper des conséquences, par exemple, de la manière de notre consommation quotidienne. Hein. Et puis, de l'autre côté, on aurait une partie qui est sensible aux arguments collectifs, aux arguments de long terme, à la science, etc. Et on a tendance aussi à transférer ce genre de raisonnement dualiste au niveau de la société. Hein. Il y aurait une partie de la société qui aurait compris ce qu'il fallait faire. Par exemple, le GIEC qui fait des rapports pour nous expliquer ce qu'il faut faire, les scientifiques qui signent des pétitions, et puis une partie de certains groupes sociaux qui sont d'accord pour faire ça, certains partis qui sont d'accord pour suivre ça. Et puis de l'autre côté, il y aurait ceux qui ont des comportements irrationnels, court-termistes, certains industriels, etc., qui ne voudraient pas comprendre. Et là, il y aurait une sorte de bras de fer entre les deux, et ce serait purement et simplement, justement, une question de force, c'est-à-dire de qui l'emporte sur l'autre. Et là, dans ce modèle dualiste, alors il est en partie vrai, en particulier au niveau collectif. Vous avez donné l'exemple de Donald Trump. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas... Qui a pris la décision de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'entendent pas les arguments concernant les connaissances concernant la transition écologique, et il y en a d'autres qui les défendent, les diffusent, etc. Mais en même temps, est-ce que ce modèle dualiste est complètement suffisant pour comprendre ce qui se passe? Est-ce qu'il est suffisamment profond? Il y a le risque, effectivement, de se retrouver avec un schéma où il y a les bons et les méchants. Il y a ceux qui ont compris, mais qui sont faibles, hein, comme la science dans le texte de Platon tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, il y a les désirs, les craintes, etc., qui, du coup, ne raisonnent que sur la situation présente et ne prennent pas en compte l'avenir. Hein. Avec le modèle stoïcien, hein, on a un modèle dans lequel, au contraire, on pourrait dire c'est nos valeurs elles-mêmes qui sont incohérentes. C'est-à-dire que tout le monde, tous les comportements sont liés à certaines valeurs, sont liés à l'adhésion à certaines valeurs. Et ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut essayer d'aller explorer, hein, c'est la cohérence de ces valeurs et dans les choix qu'on peut faire en faveur de certaines ou d'autres, parce que on verra qu'il y a des incohérences dans ces valeurs qui expliquent que on ait ces conduites divergentes par rapport à une partie de nos connaissances. Donc très concrètement, lire les stoïciens peut-il nous aider à sauver la planète ? Peut-être, oui. Vous avez dit oui. Merci Thomas Benatoul. On va se quitter comme chaque jour de cette semaine avec une chanson, enfin une reprise de Parole de Dalida, la fameuse chanson de Dalida. Cette fois-ci, c'est une version italienne de Mina. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontali un'altra. Violini e rose li posso sentire. Cosa mi va se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole. Ascoltami. Parole. Ti prego. Parole. Io ti giuro. Thomas Benatoul, on peut lire plusieurs ouvrages sur le stoïcisme. Le troisième volume de votre opus sur les stoïciens est paru aux éditions Les Belles-Lettres en 2017, mais votre prochain livre portera sur Platon. Peut-être êtes-vous revenu alors du stoïcisme. On viendrait nous en reparler à ce micro. Pendant qu'on écoutait Mina et sa reprise de Parole de Dalida, Géraldine Mosna-Savoie s'est installée à mes côtés, non pas en studio donc, mais dans le grand auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, où nous sommes cette semaine. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. C'est donc l'heure du journal de la philo. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors le thème du festival Cité Philo cette année étant dire et faire, vous vous intéressez cette semaine à ce qu'est une prise de parole. Oui, et en particulier aux prises de parole, alors pas forcément féministes, mais féminines dans l'histoire de la philosophie. Elles sont assez rares pour être remarquées. En général, on s'en tient à Simone de Beauvoir, Simone Veil ou Hannah Arendt. De la même manière qu'on parle d'une libération de la parole dans l'espace public, il serait temps de libérer la parole dans l'espace philosophique et d'entendre d'autres voix que celles auxquelles nous sommes accoutumés, avec toutes les questions bien sûr que ça leur implique, quelle part du sexe ou du genre imprègne vraiment un discours, comment donner à entendre d'autres paroles, des voix différentes dans le champ philosophique, ou encore, et c'est ma question du jour, comment faire pour écouter, donner à entendre une parole qui se fichait d'être entendue, en tout cas qui se fichait d'écouter celle des autres. How does, quote, I fit into the philosophy of objectivism? How does objectivism relate to me, the individual? What does it do for me? Are you a human being? Mm-hmm. Well, then it relates to you. It tells you how to lead your life and how to achieve things, how to be happy. It tells you the fundamental principles by which you can make your own choices. Above all, it tells you that you have the means to make these choices, that your mind is valid, that the reality you perceive really exists, and that is epistemology. Alors hier, Géraldine, vous nous avez fait écouter Angela Davis. Qui est la voix que nous entendons ce matin? Alors c'était la voix de Ayn Rand. Alors Ayn Rand, c'est un cas pour moi, petit portrait d'elle. Ayn Rand est née en 1905 à Saint-Pétersbourg. Elle est morte à New York en 1982. Elle reste méconnue en France, quoiqu'il faille noter l'excellent livre de Stéphane Legrand paru sur elle il y a 2 ans. Elle est une figure incontournable aux États-Unis dont les textes sont presque autant lus que la Bible, inspirant Donald Trump, les libertariens ou les héros de la série Mad Men. Ses romans, La Grève et La Source Vive, sont des best-sellers et révèlent l'essence de sa philosophie, l'égoïsme rationalisé et objectivé. Pour Ayn Rand, femme au parcours incroyable qui a fui la Russie, traversé le monde, a rompu avec sa famille et a choisi elle-même son nom, cette pensée semble naturelle, elle semble émerger de sa personne même. On n'existe qu'en se faisant soi-même, qu'en ne suivant que son intérêt propre, au mépris des autres. L'altruisme est même pire que désuet pour une philosophe comme Ayn Rand, c'est une aberration, c'est quelque chose de dégoûtant. Vous voyez un petit peu le personnage, d'où ma question. Que faire de ces prises de parole féminines à qui l'on pourrait faire une place dans l'espace philosophique ici en France par légitimité, par curiosité, par sororité même, pourquoi pas, mais qui se fichait pourtant précisément d'être entendue par les autres? Comment faire de la place à quelqu'une qui n'en donnait pas? Faut-il lui en faire parce qu'elle est une femme? Et c'est pourquoi vous parlez d'un cas Ayn Rand. Oui, exactement, car Ayn Rand incarne pour moi un problème typique que je rencontre souvent en lisant certains philosophes. J'aime les lire, les découvrir et pouvoir parler d'eux, faire entendre leurs textes, alors même qu'ils me mettent mal à l'aise. Et Ayn Rand est pour moi le symbole extrême de ce malaise qui se joue en moi, de cette lutte intérieure entre admiration pour une femme dans un milieu d'hommes, intérêt intellectuel pour une théorie poussée à l'extrême, et aussi dégoût moral pour ses implications éthiques. Car oui, je suis fascinée par Ayn Rand. Elle avait des petits yeux noirs perçants. Elle était méchante. Elle avait une obstination à élaborer une philosophie même bancale de l'égoïsme. Elle était quand même faite d'une conviction à toute épreuve. On parle par exemple beaucoup de la puissance des femmes puissantes. Mais elle était plus que cela. C'était une femme infaillible, terrible, forte, mais aussi donc détestable. Car oui, tout ce qu'elle dit est non seulement fragile sur le plan des arguments, mais détestable et même contraire au présupposé de ce que l'on appelle une libération de la parole, à savoir l'écoute, la solidarité, la justice. Comment faire alors avec ce type de discours? Comme n'importe quelle pensée un peu solide, elle doit avoir selon moi sa place, elle doit être entendue, lue, enseignée, critiquée aussi. Mais comment? De manière générale, voilà ma question. Comment faire avec ces prises de parole féminines aussi, dont on sait qu'elles anéantissent celles des autres et notamment celles des femmes? Merci Géraldine. Est-ce que vous voulez réagir, Thomas Benatouil? Ça m'a fait penser à Martha Nussbaum, qui n'a pas du tout les mêmes positions de Ayn Rand, et tant mieux pour elle. Si ça vous intéresse de lire une défense contemporaine de la théorie stoïcienne des émotions dont on a parlé tout à l'heure, il faut lire Martha Nussbaum, qui a proposé une telle théorie dans son livre de 2001, Upheavals of Thought. Je crois pas qu'il est traduit, mais elle utilise Proust, Joyce et les stoïciens pour défendre cette conception des émotions dont on a parlé. C'est noté, on mettra l'ouvrage en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Et pour réécouter votre chronique, Géraldine, il suffit d'aller sur le site de France Culture, la page du journal de la philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Géraldine Mosna-Savoie ici présente, mais aussi Jules Barbier, Manon Delasselle, Isis Jourda, Anaïs Isbert qui sont à Paris pendant que nous sommes ici à Lille. À la lecture des textes aujourd'hui, c'était Éric Herson-Macarel. À la réalisation, Thomas Beau ici présent, Frédéric Cairou et Stéphane Beaufils à la technique. Merci à Virginie Noël et à Jean-Marc Clauss de Radio France. Merci à l'équipe de Cité Philo, Gilbert Glassman, Myriam Pleine Maison, Stéphane Demore et Jean Fromentin. Merci au public lillois qui était présent aujourd'hui. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le pouvoir de la parole. Demain, nous serons en compagnie de Colette Solaire et on parlera de psychanalyse. On se demandera, on commentera la situation où dire signifie parfois, dans le meilleur des cas, mais pas à tous les coups, guérir. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.